dans la pierre pour les faire vivre de mes mains. C'est le métier que j'aime faire, sculpter de la nuit au matin. Donner l'amour ou la colère dans les yeux des statues de pierre. Donner le souffle ou le désir, une envie de renaître enfin. Pour aimer ou pour maudire, celle que je sculpte le si bien. Je sens déjà comme un sourire l'ombre d'un étrange dessin. Parle-moi, statue de pierre, statue de bois. Laisse-moi lire dans tes yeux noirs les souvenirs de ton histoire. Je t'entends, oui, je t'entends. Qui est Don Juan? Parle-moi, statue de pierre, statue de bois. Mais qu'est-ce que cet homme t'a fait? Même si la vérité l'effraie, je t'entends, oui, je t'entends. Mais qui est Don Juan? Don Juan, parle-moi, statue de pierre, statue de bois. Qui est cet homme si terrible qu'il pourrait cracher sur la Bible et renier ses commandements? Qui est Don Juan? Qui est Don Juan? Don Juan.